je vous le dis. T'es trop mignon pour que ce soit fini. Toi et moi ? Bah, y a le concerné, je sais pas s'il est au courant que toi t'es, que toi t'es venir. Ah bien. Je veux dire, ah ouais, t'es pas dans les troubles. Dans le triolisme, non. T'es pas dans les troubles. Non, non. Si, encore, moi non, non, je suis pas dans la polygamie. Je pense non. Que le concerné, il sera pas chaud. Ouais, je comprends. Ouais, c'est. Je comprends. Mais dommage, on aurait pu s'amuser, détériorer une chambre d'hôtel. Plutôt, ils sont les durs à cuire, mais c'est juste qu'ils sont pas chauds. Le Hilton, c'est la plus chère. Le Shangri-La. Oui, je vais commencer. 5000 euros la nuit. Je vais commencer direct. Je vais envoyer direct mon double P, mon EP cœur. Je vais envoyer direct. Parce que là, passer des sons chill et tout, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut passer aux choses sérieuses. 5000 euros la nuit. On se demande pourquoi il n'y a pas plus de riches qui se font... Pincer avec la femme de ménage. Pincer avec la femme de ménage, ouais. Carrément, je sais mais pas moi, mais c'est là-bas que j'aurais dû bosser, putain. Ouais. On se demande pourquoi les gens, ils étripent pas les riches. Bah écoute, parce que les gens, ils cravent la dalle. J'aurais dû aller postuler là-bas, 25 000 euros la nuit. Ouais, t'imagines les pourboires. T'imagines les pourboires et le chantage. Et les films et les vidéos et tout. Moi, j'ai un pote qui travaille dans un hôtel que je ne citerai pas. La patte, il a chaud. On se fait payer, on fait chanter les gens. C'est risqué. Hein. Il y a la police qui travaille là-bas, les services secrets et tout. Mais ton pote, il a dit quoi sur ça ? Mon pote travaille dans la sécurité de l'hôtel de luxe. Ouais. Et il a chaud rave. En fait, il est tombé sur des photos à poil de je ne sais plus quelle célébrité, je crois Bono. Ouais. Qu'ils avaient laissé avec sa. Il était venu avec sa copine dans l'hôtel et ils ont laissé des photos de lui à poil. D'accord. Dans la chambre. Donc ils lui ont rendu, sauf que mon pote il en a pris une. Bien joué. Et il a dit quand Bono il sera mort, ça vaudra une fortune. Et il l'a gardé ou pas? Il l'a toujours? Ouais, il l'a toujours. Mais moi j'ai cru que t'allais me dire il l'a gardé et puis il l'a un peu fait chanter quoi. Bah non, il va la vendre quand il sera mort. Ah, mais peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas internet. Non, il va pas le faire chanter, mais il va la vendre quand il sera mort. Ah! Pas mal. Pas mal. Bon, j'aurais fait chanter. Bon, peut-être je me serais fait pincer par des flics pour chantage. Il y a des chances. Oui, je crois. Mais on ne sait pas, ça aura pu passer. Le Gainsbourg, il a été chanté 20 ans après, comme un boomerang avec Dany. Mm-hmm. 20 ans après, la chanson, elle est sortie. Hein. Il n'avait pas écrit pour personne. Comme un boomerang, vous connaissez ? Ouais. Dany, ouais. Dany, très ouais. Rock'n'roll aussi. Ouais, ouais. Plus rock'n'roll que Jane Birkin. Ouais. Je crois que c'est lui qui l'a rendu rock'n'roll. Hein. Il l'a dévergondé. Il me faut quelqu'un. Ah, j'ai déjà quelqu'un que je dévergonde. On est à 10 minutes. Hein. Quoi? Tu veux dévergonder? Non, mais t'es déjà. Non, t'es déjà perché. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, t'es déjà formé, mon colonel. Ouais, t'es déjà dévergondé. Ouais, j'ai déjà formé, mon colonel. Comment on peut l'envoyer. Mon colonel. Voilà, t'es déjà perverti. T'es déjà dans le péché, ouais. Je vais le sulfater, mon colonel, il est converti. Pardon, il est compte au cours. Moi, je suis dans le péché total. Hein. Oh, ça dépend, des fois, j'ai des scrupules. Tu veux une cigarette ? C'est moi qui. Je me fous de ma gueule. Et moi aussi, je m'en fous de ta gueule. De ma gueule. Trop tard. Mais pourquoi ton pote a gardé la photo ? Il avait des scrupules religieux ou il avait des scrupules... Il a gardé la photo pour se faire des thunes. Ouais, mais attends, ça fait combien de temps qu'il a maintenant la photo ? Ouais, mais le gars en question, il est mort ou pas ? Non, il est pas mort. Bon, bah c'est alors... Bono. Bah, il attend qui, Kane ? Son épargne, c'est son compte épargne. Mais après, c'est vrai que... Tu sais le joueur de foot qui s'est fait... Ouais, ses potes, ils ont eu des reprises avec des keufs. Hein. C'est vrai que c'est assez risqué. Surtout quand t'es une célébrité, que t'as le bras long, qui garde la photo. Mmh. Ouais. Alors tu l'as fait passer au docteur et il l'a fait passer. Moi j'ai pas les scrupules de ton pote. Hein. Ouais. Non, Internet ça existe. Un petit virement, combien, un petit virement. Quand on les débos. Comme ça on va à l'hôtel, 25 000 euros la nuit. Voilà. Shopping, ouais. Chanel, tout ça quoi. Ouais. Shopping, Coco Chanel. On commence dans 5 minutes, 5 minutes. Non, week-end en limousine, thalassothérapie. Ouais. Et avec la photo de Bruno, et ça va, hein. Le mec ouais. Il a du fric. Hein. On dépouille moi, personne. Je m'achète un loft à New York. Voilà. On dépouille pas une vieille. Hein. C'est et bon. C'est faire les clafoutis. Toi, tu fais des clafoutis. J'espère que mes cierges vont donner un résultat. Parce que vraiment, le sosie d'Elvis, merde. J'aimerais bien. Hein. Tu vas galérer pour le trouver. En France, ouais. À Las Vegas, non. Mais il faudra que je prenne le pack voyage, mariage. Tu sais, c'est la ville du péché. Hein. Pack mariage, casino, pack tout. Ouais. Je suis sûr que le pack mariage, ils vont le mettre dans les agences de voyage bientôt. Si vous voulez être marié, vous rajoutez un petit peu de thunes. Ouais. Ouais. Faut que j'en parle à celui que je suis en train de pervertir. Ouais, putain, j'ai du mal. Hein. Tu vas sur Pinote, mais pas sur le stream. Tu vas sur le combat là. Mais ça va bien. Vous n'avez pas encore plein. Non. Non, non, non, c'est ça. C'est donc là, je suis en train de pervertir quelqu'un, en plus de confession musulmane, hein, donc j'ai mis la barre très haut. Donc si ça marche, c'est avec lui, je vis devant une vis. Hein. Voilà. Non, ou alors, il y a Alain. Mais lui, on va. Hein. La chambre à 25 000 euros, ouais. Et la chambre à 25 000 euros, c'est pour nous. Hein. On va la rendre dans un état. Ah oui. Oh. Oui. Vous êtes tous beaux ici, docteur. Bla bla bla bla bla. En fait, pas sur les stream au début, sur les stream. Ouais, enfin pas comme lui. J'ai un téléphone. Faut voir si ça passe sur les streams là. Moi je veux pas le faire sinon on va être en internet de l'internet. Non, je pensais à votre femme, lui disait mais qui l'a épousé. Si, internet, ça marche pas. C'est bizarre, tu sais, la galerie de problème chez. Mais docteur, pourquoi vous voyez pas ça la veille? Bah je le vois tout le temps, mais quand avec un pro. À chaque fois que j'arrive ici, la centrale de Ginevra. Mais les blocages pour certains sites, donc du coup, il faut réinventer à chaque fois. Et puis, est-ce qu'il faut décaler l'heure, non? Là, on est programmé, là, en 4 minutes, on est en direct. D'accord. Donc, Joël va faire tous les bruitages. Ouais. Pour commencer, Radio Métanoïa, tout ça. Ensuite, je vais. Ouais, allez, Joël. Ou le sosie d'Eddie Mitchell. D'ici que je me marie, il sera peut-être capote. Voilà. Radio tu Nova. Vivais dans mes rêves, ton visage est partout. Je crois bien que je t'aimais, tu m'as rendu fou. J'adore quand tu dis ça. C'était qui? C'était Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell? Michel qui sentait ça. Il chante toujours, hein, il n'est pas mort. Ouais, et d'ici que je me marie, il sera peut-être mort. Texte et rappel tout à l'heure. Voilà. Il y en a que deux, la troisième, plaquage au sol, fermez bien vos volets et tout, hein, bien. Voilà. Si, peut-être, mais faut que je trouve l'inspiration pour écrire au moins une feuille. Je fais le pic dans le pâté. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Oh, près de ma brune, qu'il fait dur, fait dur. Ça fait penser aux chanteurs, vous savez, dans les Pyrénées. Vous avez les chanteurs à grosse voix, les barytons. Ah, ouais. Ouais. Oh, on est bien. Water. Ouais. Ça, c'est Radio Metanoia en direct de l'hôpital des Villevrard, secteur 14, en live sur les ondes d'Épinode. On avait là un chant de Joël. Que moi, ça fait 25 ans que je connais Joël, j'avais jamais entendu sa voix, cette chanson comme ça. Il nous avait une introduction, ça fait comme des chants tibétains, un peu des choses qui émergent très, très profondément, accompagné par Ogni qui faisait les harmoniques. Et. Sophie qui gueulait un peu, mais en même temps faisait des contrepoints avec la réalité. Et ton nom de radio, c'est... ICFU. ICFU, voilà. Sophie, on ne peut pas l'arrêter. Alors, nous allons écouter, la radio Paris Fornication, un titre de GLGV pour Sophie. Fornication. Exactement, c'est pour Sophie. Péché, Las Vegas, Elvis Presley, la totale. Alors, monsieur Pedro, c'est ça sous, Martin, ouais. Alors, vous pouvez lancer sur SoundCloud, Paris Fornication, pour Sophie. Oh, merci. C'est sûr, je vais vous le trouver. Oh, c'est adorable. Ouais, c'est adorable. Bah oui. Fornication pour Sophie, c'est adorable. Ouais. Et c'est vrai que. Ouais, je vais le dire à Noé. Je vais dire à Noé. Il m'a dédicacé un morceau, lui. Hein. Il est gentil. Bah, vous avez choisi celui-là. On va vous mettre celui-là. Alors. Voilà. Il est lourd le micro, mon colonel. Non, mais lui, c'est même plus colonel. Lui, c'est un autre grade. C'est capitaine. Tu vois, c'est. Voilà. Capitaine. Voilà. Paris Fornication. J'adore la fornication. Je l'ai pas vu dans la forêt fornication. Vous pouvez balancer le son, bounce le son. C'est marrant, docteur, parce que d'un côté, j'ai beaucoup de respect pour les pasteurs, tout ça. Là, en ce moment, je suis en train de lire vos archanges, machin. Je suis à fond dans le spirituel. Je vais à l'église le dimanche et tout. Mais par contre, je distingue bien. J'ai pas de scrupules religieux. Sophie, ça commence. D'accord, vas-y. Il faut écouter. Docteur, vous avez toujours un problème à la radio. C'est pour ça que j'ai arrêté de venir, parce qu'il n'y a rien qui marche. Il faut que tu te connectes sur un autre téléphone. Parce que moi, comme j'utilise celle-là pour me connecter à Internet... Un Bluetooth ? Vous avez Internet... Peut-être que le docteur qui est là, vous avez Internet sur votre téléphone ? J'avais une enceinte, moi. J'ai Internet, si vous voulez. Ouais, voilà, on a besoin de quelqu'un. Tu peux le connecter sur celui-là ? Oui. Le mien, il est... Tiens. Télécharge-le en plus. Allô. Tu veux parler un peu pendant que l'on met de la musique ? Qu'est-ce que tu veux que je dise là ? Il y a l'expo Tinius demain soir. 400 dessins de Tinius exposés au centre Tinius à Montreuil. Voilà, par sa veuve Tinius. Voilà, née en 1957 et décédée en 2022. Ah non, pas 2022. 2015, voilà. Donc c'est une expo. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun dessin religieux. Donc vous voyez, quelque part, ça veut dire que c'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait des dessins religieux. Moi, je trouve que c'est nul. Voilà. Bah oui. Oui, mais attends, c'est n'importe quoi. On a été élevé dans la religion catholique, on sait ce que c'est, et ça suffit, quoi. On nous l'a fait pendant 20 ans, on s'en est débarrassé, c'est pas pour que ce soit remplacé par d'autres religions. Voilà, il faut savoir qu'à notre âge, on apprenait à fermer sa gueule et on l'a appris à l'ouvrir. Et là, maintenant, les jeunes, ils apprennent à la fermer. Donc nous qui avons appris à l'ouvrir, on la fermera jamais, ça il faut le savoir, ou alors il va falloir nous descendre comme les gens de Charlie Hebdo. Mais exact. Comme on a eu la gueule fermée pendant presque 20 ans... Maintenant qu'on l'a ouverte, on ne la fermera pas avant notre mort. Voilà. Exactement. Donc tous les ennemis potentiels, c'est-à-dire fascistes de tous les bords, le comprennent. Voilà. Et les fascistes religieux compris, que ce soit les cathos, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes. Voilà. On ne laissera pas faire. Mais bien sûr, au Sri Lanka, c'est les bouddhistes qui organisent des génocides contre les tamouls. Quand même, faut pas le savoir. 2033, on voilà. Roule c'est pas cool, les bouddhistes. En Maybach, comme des pasteurs. Voilà. En 2033, on roule en Maybach comme des pasteurs. Eh ben, il a tout dit. Ça y est, c'est l'expo. Bon, alors, parle au micro parce que sinon on ne comprend rien. Il n'y a pas de prise jack sur ce téléphone. Oui, c'est ça, on a besoin d'une prise jack. Ah, il n'y a pas de prise jack. Et vous avez du scotch pour accrocher ça? Qui veut parler? Qui veut continuer à parler, s'il vous plaît? Vas-y, moi, Paul. Ouais. Hey. Bah alors, il n'y a aucun son qui sort. Le problème, c'est qu'on a interrompu les connexions de l'hôpital. Tu vois. Et tout ce qui Alain, est... t'as rien à dire ? Des cas, je suis un câble, c'est un dieu qui te hue, qui te tue en deux, comme s'il y avait le feu. Je me pose sur aucun bit, la bite entre les bœufs, je mets un spliff de bœuf entre les lèvres, et si tu l'ouvres, gars, vaut mieux que tu fasses gaffe, gars, car j'ai moins de câble, j'ai peut-être pas d'armes, mais ça pourrait bien que tu te prennes une baffe, gars. Ok, et je suis pas là pour plaire ou pour choquer, juste pour faire ce que j'ai à faire et faire croquer mes frères, ok. Ouais. Ok. Je reprends quoi? Je reprends ton couplet. Ok, je suis pas là pour plaire ou pour choquer, juste pour faire ce que j'ai à faire et faire croquer mes frères, ok. Des fois je me répète comme un perroquet, mais tu peux pas me faire taire ou me bloquer, ok. Busy mind, shady shine, easy flow, let it blow, no line, make you bow. As soon as the trouble thickens, I write rhymes smoother than Dickens. Spite all the signs, maybe they know chickens. Fight like the fire glistens. Raise hell like Coppola in the kitchen. Kitten, I'm not kidding. Let's walk the extra mile down to the extra smile as I'm sinking into that thing. Baby, let's brawl. Let's have a ball. Shady, you bet you got the whole picture? Not at all. Deceived, you might lose it all. And I'm writing, and now that I think of it, I might as well cop a brick and sell it in two little bits. Cause what I've written, no great hits, no spreading chicks, no biopics, just an old Z movie flick in a room where nobody sits. Oh boy, your toy eating like Japanese eat soy soy. What's up? Ouais, c'était super. J'ai marié avec toi avec le sosie d'Elvis. Je vais dire à l'autre de se barrer. Mais j'ai toujours pas vu Adrienne dans la forêt, mon colonel. Je la cherche partout. Elle est où, mon colonel, Adrienne? Vous allez me le dire un jour. Je saute de l'avion à chaque fois, je peux jamais remonter, mon colonel. Il y en a marre. Oh, mon petit gars, t'as qu'à prendre le train comme tout le monde. Hein? Avant j'étais odieux, maintenant je suis odieux. Hein? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vais vous jouer un coup d'accordéon. Ouais, non, tu vas jouer un coup d'accordéon, tu vas nous jouer un coup de quoi? Hein? Référence. Pictogramme. Pictogramme. Pic, pictogramme. Pic, pictogramme. J'en ai fait une à Nantes. C'est la deuxième fois, ouais, je t'ai vu. Oh, t'as le bras long, tu sais. Oh, t'as le bras long. Et moi, j'ai le bras court. J'ai le bras marre, ouais. Ouais. Qui c'est qui t'a pistonné? J'ai pas été pistonné, moi. Où est ton pistolet? my pistol, pistol. Hola, hola, hola, we them boys. Hola, hola, hola, we... I'm making noise, hola, hola, hola, hola, we them boys. Donc t'as pas eu de piston alors, tu connais pas quelqu'un? Bah super, bah bien. Non mais t'as du talent, mais d'habitude pour faire de la radio, faut connaître quelqu'un, tu sais, le bouche à oreille, tout ça. J'adore les bouches et les oreilles, je les mange. Ah, on coupe pas la parole, déjà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Tu dis tu viens, t'es Florian, tu viens du PSV. Je m'appelle Florian, je viens de Pavillon-sous-Bois. PSV 93. On est là. Voilà. Tu peux dire bonjour. Voilà. Tu peux fermer les yeux et dire quelque chose? Non? Non, je peux pas. Non, tu peux faire comme Joël, tu peux faire des bruits? Joël, il fait de chant tibétain. Alors, Sophie? T'as quel âge? J'ai 21 ans. La philosophie. Ah, je te dis plus. Ah bah, pourtant, souvent, on dit que je suis plus jeune. Ah oui. C'est vrai? Philosophie. D'accord. Philosophie. C'est ta première radio? Oui, c'est la première fois. Ah. Il n'y a pas un sujet qui te touche à cœur? Non. Surtout que j'aime pas beaucoup parler. Ah, d'accord, ok. T'aimes pas te mettre en avant, t'es un faux timide? Ouais, c'est ça. Ah, ok, ah, ouais, d'accord. Je parle, mais j'aime pas trop en public. Oh, mais là, on est entre nous. Tu peux nous dire un truc que t'as jamais fait à personne, ça va rester entre nous. Non, non, non. Nous dire un secret, ça va rester entre nous, on le dira pas. Bah, là, on est à la radio, c'est plus un secret si je le dis. Ah, bien joué. Personne, oui, personne ne m'aura comme ça. Hein. T'aurais pas perdu au ni oui ni non, toi. Ah, bien joué. Jamais j'aurais perdu. C'est vrai? Bien sûr. Ah, il a pas dit non. Hein. D'accord, ok. Vous avez lancé le jeu. Hein. D'accord. Mais sinon, à part ça. Ça a été lancé. Alors merde, je sais plus quoi dire. Ah, c'est votre première radio à vous? Ouais, bah oui. Mais moi, je perdais tout le temps. Ouais. Mais tu voulais que je dise quoi? Oui. Bien sûr. Bah oui. Mais ou sinon, je sais pas, tu te sens bien dans ta peau en ce moment? Bah, un peu mieux. Ah, la vache. Un d'accord. Peu mieux qu'avant. D'accord. Et c'est vrai que ton médecin n'est pas sympa? Bah si, le docteur Sira, il est sympa quand même. Ok. Bon, allez, je... Il n'y a personne pour le faire perdre là, je ne sais pas, pour qu'ils disent oui ou non. Sophie, peut-être vous pouvez poser... Est-ce que tu connais Dr. Curtis? Bien sûr que je connais Dr. Curtis. Ok, c'est bon. Ah, punaise. C'est un bon. La prochaine fois, on l'aura. Et Sophie, peut-être vous pouvez poser une question à chacun de nos intégrants, comme ça, elle peut vous répondre. Mais pouvons-nous mettre le son? On avait besoin d'un téléphone qui a une connexion mini jack parce que sinon. Mais sur l'ordi, il y a. L'ordi passe pas. Ben moi, je peux vous trouver la connexion. Je peux vous. Non, c'est pas. Ça, c'est mon téléphone, là, tu vois, il y a un problème, là, ces trucs. Il faut aller sur son cloud, c'est là. Ah. Oui. Le problème, c'est que là, on est bloqué par. On est bloqué par la Villevra, si vous nous entendez, arrêtez de nous bloquer la connexion. On est bloqué, on est limité sur la connexion. Laissez-nous parler. Donc on parle 10 minutes, après ça coupe. Mince. Et si j'utilise mon téléphone pour mettre de la musique, ça coupe immédiatement parce que là, je suis connecté pour mon téléphone pour faire le streaming. Ah ouais, d'accord. Donc si on a une connexion mini jack avec un autre téléphone, on peut mettre de la musique. Si moi, j'ai ça, un partage de cause sur l'ordinateur. Oui, mais ça, c'est tout un truc. Okay. Mais oui, on va le faire, si jamais ça... Mais là, on a trouvé une solution, on trouve toujours une solution. Hein. Radio Métanoïaque, c'est la solution à la paranoïa, donc voilà. On va trouver... Est-ce qu'on peut trouver... Oui, c'est ça, Métanoïa, ça veut dire au-delà de la noïa, et c'est le contraire de la paranoïa. Abonné, oh, c'est bon. Donc, est-ce qu'on peut... Comment on va trouver une solution à la guerre, par exemple? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Non. Faudrait déjà supprimer les armes. Non, il faudrait déjà qu'il y ait moins d'égo, que les hommes politiques aient moins d'égo, qu'ils soient moins cupides, et qu'ils soient moins, qu'on puisse moins leur graisser la patte et qu'ils aient plus de respect pour la vie humaine. Là. Déjà, ça, laisse tomber. Hein. Ouais. Mais on peut commencer. On va commencer pour Sophie. Mais qui Sophie, quel chef d'État pourrait donner le coup de lancement du respect de la vie humaine que, peut-être que ce n'est pas l'histoire d'un chef d'État, peut-être c'est une histoire de petits groupes qui font la radio comme nous, qui vont commencer à changer la planète. Oh, j'espère, ça serait super. Ça revient, non? Ogni, tu penses quoi, vous que, ton prénom, Julien? Florian. Florian, tu penses quoi de ça? Dans la résistance. Attends, Florian veut dire quelque chose. Bah, les richesses, elles sont mal partagées. Moi, je ne pense pas, je les richesses sont mal partagées, pas équitablement. Aussi. Ogni, tu disais quoi? Je pense pas, je broute. Tu broutes? La chatte. Broute. Okay. Bon, bah c'est bon, il l'a cherché, il l'a eu. Non, j'ai jamais dit ça. Oui, mais moi je l'ai dit. Je broute, ça veut dire que je pense à rien, je broute. Voilà. Dans la forêt. Adrien, dans la forêt, tu broutes? Hop là. C'est envoyé. Oui, non, mais Ogni et Joël, ils font le bruitage en ce moment. Hein. L'habillage sonore, ça s'appelle. Ils sont hors de la logique, ils ne répondent pas aux questionnements rationnels. Ils sont totalement dans l'irrationnel. Vous savez que Pythagore disait ça, pour les musiciens, entre les si et les do, il y a les comas pythagoriciens, on ne peut pas les calculer parce que c'est un numéro irrationnel, mais on peut les sentir. Et dans la gamme musicale, dans la scale musicale, tu as 53 comas, c'est-à-dire 53 racines de 2. C'est un numéro incalculable, mais on peut le ressentir. Voilà. C'est ça, pour moi, l'habillage sonore. Là. Ogni, il a tout compris. L'embellissement sonore. Ogni, il a compris. C'est beau ce qu'il dit, le docteur. Et là, Joël, il est très intéressé à lire. Qu'est-ce que vous dites, Joël? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose aujourd'hui à la radio? Bon, on va le dire après. C'est intéressant ce que vous disiez, docteur, quand vous dites que un petit groupuscule de personnes peut changer le monde. C'est vrai. Ouais, on l'a vu aussi, c'est parti de la résistance, mais c'est chaud quand même. On peut se faire tirer dessus, pirater. Pas personne ne va tirer dessus ici, tout le monde s'en fout, nous, voilà. On peut se faire pirater la radio. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir une connexion. Sophie, j'essaie de vous mettre un son pour rien que pour vous depuis 10 minutes, là. Ouais, on va arriver. Il faut être calme, là. Là, on a... Mais on peut aller sur YouTube directement. Oui, mais là, le problème, c'est que comme on est bloqué... Ouais, il est sur SoundCloud. Donc, on essaye de là... Et il n'est même pas sur le mien. J'arrive même pas à me déconnecter. Voilà. Donc on va faire la prochaine fois si tu fais tu me laisses noter une liste, je vais préparer tout ça comme ça on va préparer pour l'émission prochaine. Il va falloir faire comme ça parce que peut-être tu as raison. Hein. Bah oui, je pense. Ils nous bloquent. Je pense. Peut-être ils ont raison, c'est les Russes qui nous bloquent. Les Russes peut-être pas, mais attention, Mariupol, on est là, on est sous les. Il y a des taux partout, docteur. Cachés, là on est. On n'est pas paranoïaque. Il y a des taux partout. Des bêtises. Ouais. Et puis notre psychiatre qui arrive en retard. Là, totalement. Donc, elle est obligée à chanter aujourd'hui, c'est ça hein. Obligée de chanter. Ouais, voilà. Parce que les gens qui sont en retard à métanoïaque. Paranoïaque, mais on n'est pas parano, docteur. Il y a mais des taux on partout. On est métanoïaque, c'est ça. Métanoïaque. Voilà. J'ai fait la connaissance d'une dame qui était mariée à un avocat. Oui. Ils avaient. Qui était franc-maçon. Vous savez, leur truc de réseau, tout ça, machin. Et qui m'a dit que non, que je n'étais pas paranoïaque. D'ailleurs, quand elle a demandé de divorce, il a dit qu'il allait la couler, qu'elle n'aurait plus de travail nulle part, qu'elle n'aura plus d'amis, qu'elle n'aura plus rien, même pas la garde des enfants. Oui. Elle s'est retrouvée dans un F2 à Bobigny et elle m'a tout balancé. Elle a dit non, vous n'êtes pas paranoïaque. Même les œufs, parce qu'elle est nutritionniste, même les œufs qu'on achète à les moins chers, c'est des poules qui ont été enfermées dans le noir, qui ont eu des mauvaises émotions, qui ont pondu et on mange ces œufs-là, c'est les moins chers. Ah oui. Ce qui modifie notre génétique, c'est pour ça qu'on est plus énervé, qu'on est plus chiant. Peut-être il y en a, ils ont plus direction, on sait pas. Ouais, elle m'a dit tout passe par la bouffe maintenant. Mon colonel. Sur mon SoundCloud. Ouais. Ah non, je peux. Mon colonel. Tout passe par la bouffe, docteur. Tout passe par la bouffe, mon colonel. Faut plus rien manger, mon colonel. On n'est pas parano, docteur. Faut manger que de l'herbe, mon colonel. Ah ouais. On est tous végétariens là. Okay, bah, ah non, par contre. Je deviens végétarien, mon colonel. Non, un bon rhum steak, docteur, avec une sauce au poivre, de la moutarde. Ouais, avec bon, des pommes de terre ça. Rissolées au persil, avec un bon vin blanc. Bon, je vais moi, j'ai arrêté la viande à l'âge de 12 ans, vous savez. Alors. Moi, j'ai deux avions qui me suivent, mon colonel. Attendez, vous avez pu manger de viande. Ça y est, mon colonel, je les ai crachés, les colonels. Attendez, docteur, vous avez pu manger de viande depuis... Ouais. Vous savez pas quel goût ça a ? J'ai oublié. Ça ne me plaisait pas. Vous avez fini votre discussion ? Non, pas encore, mais on va arriver. Parce que là, avec le colonel, là, on est en train de faire, en train de fuir le russe qui nous attaque. Le colonel, vite. Toute la connexion paranoïaque, là. On ouais, allez, on y va. Attention, vite. On y va. Vous êtes dans l'avion. Non, après, on va faire l'hélicoptère. On y va dans combien de temps ? One, ok, one, two, three. Voilà, vas-y, Paul, vas-y, vas-y. Pour la suite. On est presque à côté. Voilà, on est parti. Let's go. Moi, je suis une carnivore. Et maintenant, c'est un son de furtif. Là, c'était dans mon kerp. Kerp, c'est un mélange de cup, cup de pour boire et un cup et un cœur. C'est un mélange des deux que j'ai inventé ce mot. Et du coup, c'est issu d'un EP de 3 titres. Je vous ferai écouter que 2 titres. Là, je vais vous balancer la suite. Et oui, c'est moi qui me suis enregistré, mixé, tout fait tout seul. J'ai tout fait tout seul de A à Z. Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu as mis sur ta voix comme effet, quel filtre tu avais sur ta voix ? Ça, c'est ma touche personnelle que d'accord. J'ai mixée, que j'ai mis à ma sauce. Ouais, parce qu'on entend un peu comme ça fait passer Ogni quand il parle mon colonel. Il voit comme ça. Une voix comme de Metallica, quoi. Oui, exactement, comme Metallica aussi. C'est comme un autotune, mais c'est pas un autotune. Excuse-moi, comment tu t'appelles pour remettre le... Un harmonique, quoi. Voilà. Et je vais vous faire écouter du coup le deuxième titre de cette EP. Vas-y. Allez, on y va. Il s'appelle Chemin de travers. Je pourrais le faire un peu en live aussi celui-là. Je me noie comme si tes yeux c'était la mer. Tu sais, eux et moi c'est pas la mer. Voilà, c'était... Merci. Merci. Tu peux parler un peu de... Tu peux nous parler un peu de ces chansons Ces chansons que j'ai écrites? Oui. Je pourrais pas vraiment. Non. Ça t'arrive comment d'écrire une chanson? Tu prépares pour écrire? Ça vient comme ça? Je freestyle direct, moi. J'écris pas. Tu l'enregistres direct? Oui. J'enregistre et je... Après, j'ajuste la... Oui. Des trucs. Oui. Quelques trucs et voilà. Pour embellir... Et tu travailles sur quel utile? Ableton Live, tu fais quoi? Sur quel... Logic Pro, hein, Monsieur Logic, tu disais travailler sur Logic, des choses comme ça, tu connais un peu en informatique pour faire ça. Oui. Oui. Tu travailles tout seul ou avec des gens? Je travaille tout seul. Ah oui. On a les artistes ici, hein, ça à fond. Hein. Alors, micro, Sophie, micro. D'où te vient l'inspiration? Tu nous as dit que ton ex a été ta muse, mais après... Comment ça devient? C'est tout te vient d'elle? Après, non, pas tout me vient d'elle. Tout ce qui fait mon quotidien négro fait mon inspiration. D'accord. Donc je te passe la potion. Tu t'inspires de tout. Là, par exemple, tu peux faire une chanson sur cette séance? Sur cette séance-là, là? Ouais. En mode chill. Ouais? Ouais. Comme si je venais du Chili. Je peux faire ça, ouais. En impro. En impro, ouais. Ah. Mais c'est tout. D'accord. Je peux vous mettre un son en attendant la petite pause. faut qu'il réactive son code. Oh là là. Attends un peu, là, on peut parler d'autre chose. Là. Joël, tu veux dire quelque chose? Parce que du coup, tu perds l'aspiration, tu perds le fil. Tu veux dire quelque chose voilà. Quand... Ogni, vas-y, Ogni. Oh, j'en ai marre, colonel. J'en ai assez d'être dans la forêt, à tous les sulfatés. J'en ai assez, mon colonel. J'en ai assez, mon colonel. J'en ai assez, mon colonel. Adrienne, je la vois pas dans la forêt, mon colonel. Il est mort, Mickey, mon colonel. Il est mort, Mickey. Eh oui, toc, toc, me voilà. Toc, toc. Coup de boule balayé, tout ce qu'il y a de la cam. Arriva, arriva, arriva, arriva! Grosso minuto, si! Je suis la souris la plus rapide de Mexico! Oh, qui l'attrape, c'est une souris. Oh, qui est un canari. Je me suis trompé. Arriva, arriva, arriva! Grosso minuto, si! Je suis là! Oh, je tiens une bonne chose, mon petit. Je suis pas né de la dernière coupée. Oh là là. Je vais péter les plombs, mon colonel. À rester dans la forêt. Je vous passe la parole à qui? À Sophie, à Philosophie. Le monsieur qui est là? Comment il s'appelle? Excusez-moi, monsieur, c'est comment votre prénom? Le monsieur à votre droite, à votre gauche. Oh, je sais même plus. D'accord. Julio, Julio, vous pouvez prendre le micro là, juste pour dire bon. Julio dit bonjour, je suis Julio, voilà. Voilà. Allez, Julio, on s'écoute. Écoutez, je suis en train d'apprécier tout ce qui se dit, tout ce que j'entends. Ça me plaît beaucoup, c'est la première fois que je participe à une émission de radio. Et c'est que du positif. Oui, alors, on est sur Metanoia, les ondes pépinodes. Qu'est-ce que vous voulez parler aujourd'hui avant que Sophie nous fasse sa séance Vous voulez parler de section, c'est ça? Ouais. Allez-y, allez-y, vous voulez parler de quoi? Prenez le micro déjà. Non, mais ton prénom, Julien? Tout le monde est parti. Florian, qu'est-ce que tu veux parler? Vas-y, ici, on a une liberté de parler, on peut... Dis ce que tu veux, ça reste entre nous. Même si tu dis que c'est la radio, personne connaît ta tête. Et puis, qu'est-ce que je raconte? En tout cas, j'appréciais le son de Furtur. Ouais. Le premier, bien sûr, Kerp. Qu'est-ce que tu appréciais en particulier de lui? Les paroles. C'est des belles paroles. Ah oui? T'as parlé de quoi? J'aime pas parler. Je t'aime pas parler. On peut faire des bruits, comme Joël qui en a fait d'amour. Des chants tibétains. Oui, parce que ça parle d'amour, d'alcool aussi, un peu, bien sûr. Ah, ouais. J'ai pas fait gaffe, ouais. Moi, c'est... Ouais. S'il l'a dit dans le titre. Ouais, bah Kerp. Oui, évidemment. Kerp. Mon colonel, Kerp. Je vous aime. Merci colonel. De me le rappeler. Je vous aime, mon colonel. Et on va dans la chambre, mon colonel. Merci de m'avoir botté en touche. J'en avais besoin. Attends, ça n'épaule pas le micro comme ça. D'accord, ok. Bon, on a un silence radio, comme on dit. Toi, tu vas dire oui avant la fin de la journée. Oui. Ah, bah tu vois. Voilà, Sophie. Il a perdu. Sophie, après, vous a dit qu'on ne vous donne pas la parole. C'est à vous, là, maintenant. Vous avez 5 minutes pour nous parler de ce que vous voulez. Bah oui, c'est vrai que depuis le confinement, les gens, ils se touchent plus. Il n'y a plus rien. Ils ne communiquent plus, machin. Et c'est vrai que... Comment j'avais dit ça la dernière fois? Pas l'amour, j'avais dit un mot la dernière fois, la chaleur humaine, ça manque. Ah voilà. Voilà, la chaleur humaine, ça manque. J'ai même fait des avances à ma boulangère la dernière fois sans m'en rendre compte. Donc voilà. Pardon mon colonel, allez-y. La chaleur humaine et les gens ne font plus l'amour, c'est pour ça qu'ils sont aigris. La chaleur humaine, et colonel. Vous connaissez la chaleur humaine. Il n'y a même plus d'échange de fluide. Du fluide dans ma mitraillette. Voilà. Colonel. C'est du fluide. J'ose pas lui demander ce qu'il en pense. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez, Rulio? De la chaleur humaine, il n'y en a plus? La chaleur humaine, il y a de moins en moins, ça devient une denrée qui est très rare. Malheureusement, c'est comme ça. Plus le confinement, ça n'arrange pas les choses. J'espère que ça reviendra avec le temps. Est-ce que vous pensez que les gens sont trop centrés sur eux-mêmes ? Ah oui, ils sont très centrés sur eux-mêmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est du centrage à fond, à fond, à fond, à fond. D'accord. Et narcissique. Et narcissique. Mmh. Est-ce que vous l'êtes un peu narcissique ? Je ne pense pas. Je pense que je suis plutôt ouvert à tout. À tous les genres, à tous les gens, à tous les milieux, à toutes les races, à toutes les cultures. Mais est-ce que vous avez une image flatteuse de vous-même ? Flatteuse, en ce moment, pas trop. En ce moment, pas trop. J'espère que ça reviendra avec le temps. Ah, ça me rassure. J'ai cru que j'étais Mais toute c'est seule. Vrai que je passe une petite pente en descente. Donc, je me flatte pas trop en ce moment. J'hésite. Et je garde ça pour le plus tard. D'accord. Bon, ben, ça me rassure. Je suis pas toute seule. Il y a des matins, des après-midi, des journées. Puis les gens jugent beaucoup aussi, non ? Il y a ça aussi. Ah oui, bien sûr que les gens jugent. Ça, pour juger, c'est les premiers à juger. Hein. C'est vrai. Ça, ils ne pardonnent pas. Hein. Non, c'est vrai, ouais. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à savoir, ils jugent et point barre. Ouais, c'est vrai. Vous avez... donc, vous pardonnez facilement ? Vous avez un peu ce qu'on appelle la charité chrétienne, vous pardonnez un peu facilement ? Facilement, c'est beaucoup dire, mais je peux pardonner, oui. Ça dépend. Ça dépend la gravité des faits. D'accord. Ok. J'essaierai de m'en rappeler. Et vous, Sophie, vous vous pardonnez facilement ? Si je me pardonne, ça dépend. Des fois, je me trouve dure avec moi par rapport à l'éducation que j'ai eue. Des gens de ma famille qui ont une image peu flatteuse d'eux-mêmes, donc ça m'est un peu retombé dessus dans l'éducation. Mais sinon, oui, après, je me pardonne. Je me fous la paix. Ouais, j'aime bien le terme « je me fous la paix ouais. ». Ok, ok. J'ai même dit à Noé, je ne suis pas venue au monde avec le kit de la maman parfaite ni de la personne parfaite. Voilà, quoi, je suis comme je suis, je me fous la paix à un moment donné. Donc voilà, parce que sinon, je me jette dans le canal, quoi. Donc voilà. C'était oui, d'humour, je me jette dans le canal, docteur. Vous avez eu un regard triste. J'ai même failli dire, je me jette un boulet, je me rate pas, je coule. Hein. Donc, ouais, il faut apprendre à se foutre la paix. Mais sinon, c'est vrai qu'avant, j'avais du mal à me pardonner. Mais je viens d'une famille qui juge énormément. Oui. Ouais, donc, automatiquement, on a du mal à se pardonner. Et bah, j'ai appris à me pardonner et à me foutre la paix, quoi. Merde. Et ça fait du bien. Et à m'en foutre. C'est dur de s'en foutre, par contre. Donc, je me la raconte un peu, mais c'est très dur. Je mets beaucoup de décolleté, je mets beaucoup mon corps en avant. J'ai une image flatteuse de moi, par contre. Mais c'est très dur en Seine-Saint-Denis, j'arrête pas de le dire. C'est hyper dur. Et je pensais que c'était pour les femmes que c'était dur, mais même pour les hommes. Eh ben, en Seine-Saint-Denis, c'est très, très dur. Sophie. Ils sont très codés. Sophie. On en a déjà parlé une fois. Voilà quoi. Mais je continue, hein, docteur. Oui, la lutte continue. Voilà. J'ai mis mon décolleté. La lutte décolleté. Voilà. Ouais, bien dit. le décolleté et du rouge à lèvres, ouais. Le décolleté de l'esprit aussi, hein, parce qu'il faut se décolleter la tête. Voilà. Quoi, et du rouge à lèvres et tout. Mon colonel. Je me fais insulter, je me fais siffler, je me fais tout. Mais c'est pas grave. Une fois, il y en a un qui m'a insulté. Vous savez ce que je lui ai dit ? Mon colonel. Ouais. Mon colonel, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ouais. Une indigène, mon colonel. Ah, ok. Colonel. Oui, une indigène. Une belle indigène. Une belle indigène, mon colonel. Quand même. Oui. Je me fais insulter et tout, docteur, franchement, 2022. Mais oui, malheureusement. Ouais, c'est quoi ce décolleté ? Il y a même un qui m'a dit, c'est le ramadan, je suis chrétienne, mec, j'ai fait le carême le mois dernier, c'est mort. Ah ouais, je m'en fous. Je bois mon café et tout. Hein. Je traverse Bondy avec mon café. Mais sérieux, on est où là ? On est où ? Puis moi, je lui ai dit, j'ai fait le carême le mois dernier, donc tu me fais pas chier. Tu viens pas manger dans mes plates-bandes et je mange pas dans les tiennes. J'ai pas fini le carême. Hein. Je suis trop gourmande. J'ai pas tenu. J'ai bouffé. Carême, c'est une tribu en Thaïlande, ça, c'est ça? Mais non, arrêtez, vous m'avez compris. Non, mais attendez, vaut mieux rigoler toutes ces conneries. Quoi. Exactement, ouais, mais c'est important. Ça, ouais. Ça rejoint le fascisme dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est important ouais. Pour moi. Bah, petit côté catho. Ouais, enfin, voilà. Quand on est élevé dans la religion catholique et qu'on ouais, s'en j'ai en est un sorti, petit côté qui est récurrent. On est agressif envers la religion et un peu toutes les religions. Pas vous, mais moi, tout au moins. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est bien d'avoir été élevé dans la religion, comme ça on peut critiquer ouais, les religions dans l'ensemble. Ça nous permet d'avoir ça. Au moins notre génération, parce que les générations d'après, eh ben, ils n'osent rien dire. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'apaise, ça me fait du bien. Je vais dans mon église le dimanche, j'ai mes petits rituels, je vais me confesser, gna gna. Mais à côté, non, j'aime pas qu'on me fasse chier. Je porte mes décolletés et tout, je sais faire la part des choses. J'ai un pote à moi qui est musulman, on s'embrouille tout Jésus le temps. Jésus aimait bien les décolletés. Hein. Non, c'est pas vrai. Mon colonel. Jésus est très important pour moi, docteur, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de mal de dire ça. C'est, ouais, je sais. C'est pas un blasphème. Mais j'idolâtre complètement. Donc, ouais, c'est vrai. Je crois que je suis amoureuse de lui. C'est un peu bizarre. C'est ça le transfert sur Jésus, c'est ça, normalement. Ouais, c'est terrible. Hein. De Saint-Antoine de Padoue, vous savez, les moines franciscains, Padre Pio, j'idolâtre complètement. C'est. Voilà. C'est incroyable. Pourquoi ? Ben maintenant que vous êtes là, tiens, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Pourquoi j'y idolâtre complètement ces hommes-là, parce docteur ? Parce qu'ils sont faits pour y être idolâtrés. Avant, il y avait différents. Avant le monothéisme, il y avait différents saints, hein, il y avait différentes sources et tout. Donc, ils ont fait plein d'apôtres et tout pour. Et de saints pour justement qu'il y ait une forme d'idolâtre monothéiste. Donc c'est un peu. D'accord. C'est un peu une manière, c'est un peu l'équivalent des djinns à la religion musulmane, vous voyez. D'accord. Voilà. Mais ouais. Ça mais permet d'être monothéiste tout en étant un peu idolâtre. Ouais. Voilà. Ouais, si, c'est moi. Mais j'idolâtre aussi mes médecins. Mais j'idolâtre beaucoup les hommes de pouvoir. Hey, on écoute idolâtre, du son ou quoi? Ouais, si, c'est ça. Ouais. C'est radio discussion. Oui, un peu discussion aussi, on fait tout. C'est hein. Radio Notre-Dame. Excusez-moi, docteur Angel. Ah, ouais, mais ça a brûlé. J'ai posé la question, c'est vrai. Radio Notre-Dame, mon colonel, radio Notre-Dame. Alors, vous avez du flow? Aujourd'hui ouais. Alors, prenez le micro. Oui. Alain, toi aussi, tu as un micro là. J'ai du flow aujourd'hui. Chacun peut parler. Là, on parlait justement de côté mystique, hein, pourquoi pas. Hein. Le sexe mystique. Ouais, le sexe est mystique aussi. Vous savez, il y avait le mystique, le poète mystique du Moyen-Âge, quand il était en train de prier à la Vierge, il recevait un jet du lait. Le saint de la Vierge lui jetait un jet sur la gueule, quoi. C'est ça. D'accord. Ça peut être le lait de la Vierge, le poète. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Alain ? Il est dans le classement total. Enfin, ouais, si, c'est le mystique pour les perdus. Des poètes perdus, ouais. Il mourait aussi de la mort du baiser. Tu marchais dans la rue et la mort qui te donnait ton bracelet et tu mourais comme ça. Tout tranquillement. Bon, là, je vois que notre docteur, musicien, pensez... il s'ennuie un peu. Là. Il veut un peu j'ai envie musique. D'allumer une clope, j'ai envie de te baigner. Prends le micro déjà, prends le micro pour parler, pour savoir que les gens t'entendent. Qu'est-ce que tu peux parler au micro ? Tartiner de Nutella. Hey. Tu veux nous chanter comme ça un truc freestyle Non, je vais passer un son. Voilà, on t'écoute, on y est. Et après, Alain, on va nous montrer un son. Vas-y. Quoi? Alors, valide pas le micro. Les saints sont des hommes asexués. Ouais. Non, bah les saints, les saints. Ah. Ouais. Les saints, les saints. Les saints, saillants. Ouais, peut-être c'est ça. Les saints, des saints. Pas de sexualité, rien. Je sais pas. Les hommes sont pas dangereux, quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais, sinon, ils portent plein de choses. Là, c'est le son, là. Ah. C'est une. Côté bleu du jean, t'as assez brighter. Si je te vois sans deal, à l'aise. On se voit après, j'ai les yeux plus petits que la pilule. Je vois assez fatter. On se rejoint après. Ramène la tête dans le cinéma. On va se toucher dans le cinéma. Puis j'en ai rien à foutre qui est là. part la secte, dis-moi qui est là. Jeune négresse dans calèche, ça donne faim comme carême. Sec n'est pas dans le barème, ça va pop et pop comme Daesh. Content, content, qu'importe le montant. Plus ou autant, je suis jamais sûr du content. Côté bleu du deal, là c'est bright, eh. Si je te vois sans deal, à l'aise. On se voit après, j'ai les yeux plus petits que la pilule. Je vois assez faté, on se rejoint après. La paille des, au niveau 10 c'était facile à battre des. Je montre les gros, t'as sorti la patte, mais au niveau 10 il a que les partners. Oh, oh, je complète les vidéos, hein. Physical ou musical, je crois qu'il y a comme de la magie dans mon nom. Dans mon canis, mon canis. Il va plus type que les abysses, babe. Je crois bien que je trip comme Alice, babe. T'as mis des trucs dans mon calice, babe. Yeah. Lala, bitch, n'a jamais canassé. Oh là, sur les opiacés, je suis une négresse, toujours. Alors c'était Lala Ace, une rappeuse connue, la plus connue de France. Lala Ace. Lala Ace. Comment vous écrivez ça ? Ah, c'est compliqué à épeler. C'est très très compliqué à épeler. Son nom est très compliqué. Lala Yeuse. Non, non, Ace. Lala Yes. Ace comme Ace. Ace. Comment ? Micro, micro, prenez le micro, s'il vous plaît. Comme quand tu peux prendre le micro, s'il te plaît ? Parlez, oui. Ah ouais. Je pense que ça s'appelle Lala Ace. Selon ses propres termes, très récurrents chez les artistes de hip-hop en France, la chanteuse a développé un univers particulier fait de mélodies et de propos ralentis, une musique de niche dont elle aimerait qu'elle devienne standard. Ce type de son, Lala Ace, ne l'a pas vraiment inventé. C'est ce que les spécialistes qualifient de cloud rap. Le rap. Le cloud rap, c'est le nuage de SoundCloud. Le cloud rap, c'est une musique évasive. Un sous-genre popularisé par l'américain Lil B au début des années 2010. Lil B. Et qu'il décrivait comme des mélodies à l'image d'un château flottant parmi les nuages. Chez la française, lyonnaise, il se traduit par une ambiance planante, des boucles vaporeuses et des paroles mâchées, pas très éloignées d'ailleurs de la façon dont elle s'exprime dans la vie. De la douceur, un phrasé sensuel et un hymne à l'amour et à la sensualité, une recette qui lui vaut d'être encensée dans l'Hexagone et propulsée autant sur des plateaux télé très populaires que dans des émissions très sérieuses diffusées sur France Culture ou des programmes spécialisés centrés sur le hip-hop. Bravo. Ok. Et Alain, est-ce que tu veux nous présenter quelque chose, chanter? Je peux vous mettre mon dernier son si vous voulez. Vas-y. Bon, le portable s'il te plaît, furtif. Furtif, merci Furtif pour ton... Laisse le mini jack. Mais attends, c'est pas assez long. Attends, hop. C'est pas assez long. Là, on est juste technique à peine, quoi. Mais là, un jour, on aura une technique plus en forme. Alain prépare la musique à lui, parce qu'ici, on a que des artistes qui composent, hein. Qui compose avec la dose. Et arrête de faire du bruit. Ah, ça a déconnecté en plus. Ah, c'est bon. Oui, et puis après, Marie-La, elle va nous chanter. Quelle chanson va tu voulais demander à Marie-La qu'elle chante après. Mais oui. La plus belle qu'elle connaisse. Ouais, Marie-La, il va falloir que tu chantes après. Oui. Oui. Oui. Mais oui, après tous ces délires de mystique, cloud rap et Saint-Antoine de Padoue. Et puis moi, ce n'est pas aussi bien produit. Hein. Moi, je fais ça chez moi, c'est à l'arrache. À l'arrache. On est tous à l'arrache. Mon colonel, on est à l'arrache. Prends le micro, mon colonel. Non, j'ai pas la rage, mon colonel. C'est mort, j'ai plus de batterie. J'ai juste envie de remonter, mon colonel, dans l'avion. J'en ai marre de sauter, mon colonel. Adrien n'allait pas dans la forêt, mon colonel. Tu as plus de batterie, mais tu as quoi comme chargeur? iPhone? Non? On a plus de batterie, là. On a plus de batterie, mon colonel. Ouais. Ok. On va essayer de mettre... On va chercher... Attends, Alain, on va essayer quand même avec le mien, mais c'est quoi ton truc? Mais ça peut couper. On va essayer. Ok, mon colonel, allez-y, parlez pendant que je connecte la musique, mon colonel. Ouais, mon colonel. J'ai vu personne dans la forêt depuis des années, j'en ai marre. Je peux vous donner l'herbe, mon colonel. D'accord, juste de l'herbe? Ouais, je broute. D'accord, ok. Je broute tout ce que je vois. Comme les vaches? Ouais, comme ça j'ai deux panses. J'ai deux panses. Je dépense rien, moi, mon colonel, ici. C'est gratuit, dans la forêt. Mais dans la forêt, il y a plein d'animaux. Je les chasse pas, mon colonel, je suis végétarien, mon colonel. Il y a plein de... Many animals. Je sais pas, je comprends pas l'anglais. En gros, je disais que dans la forêt, il y a plusieurs animaux. Je mange pas les animaux, mon colonel. Je tue que les gens, moi. Mon colonel. Il a deux penses comme oui, mais il broute. C'est qui broute? C'est les vaches. Bah, je suis une grosse vache. Et les petits lapins aussi. Les petits lapins, ils broutent aussi. J'en ai marre de sucer la glace, mon colonel. La glace ou le verglas? Le verglas, ma colonel. Ah d'accord, ok. Mais tu la trouves où, cette glace, dans la forêt? Sur la montagne, mon colonel. Ah, sur la montagne? Jusqu'à la montagne, je pense pas, parce qu'il y a les ours qui gardent la montagne. J'en ai tué deux ou trois, mon colonel, des ours, je me suis fait une peau avec. Impossible. Ben si, c'est possible, mon colonel. Ça veut dire que si t'es allé à la montagne, il n'y a que les oiseaux. Et les oiseaux, s'ils te parlent, attention. Il y a longtemps qu'ils me parlent maintenant dans les forêts, les oiseaux. Et t'as vu Hitchcock trop, toi? T'as trop Hitchcocké. Hitchcock, les oiseaux. Mais y a, attends, il a fait aussi quoi comme film Hitchcock? Là où il tue sa mère, il l'a empaillé. Psychose 2. Ouais, Psychose. Psychose. Oh. J'ai pas joué dans Psychose, moi. Ouais, mes voisins, il est comme ça. J'aimerais bien jouer avec toi, moi, dans Psychose. La forêt. À la Psychose, non, à autre chose. Oui, bah alors déjà, il y en a un que je suis en train de pervertir. Ah ouais? Il y a lui aussi. Donc, il y a toi, c'est ça? Nous, on doit saccager une chambre à 25 000 euros, tous les deux. Moi, c'est gratuit, je te fais une chambre en paille. En paille? En paille, ouais, en paille. En, paille, en fœtus. En fœtus. Bon. Et on va boire quoi? Bah, de l'eau, de l'eau. De l'eau? Je sais faire de l'eau salée en eau propre. Ah non, c'est pas possible, non, ça va pas le faire. Les Israéliens le font bien. Non. Ouais, mon colonel. Je te laisse la parole, mon grand. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais chanter une chanson. Des bouts de chanson. Et vous connaissez Le Parrain? Et bah, la chanson, il y a une chanson d'amour dedans qui est terrible. C'est, je sais plus comment elle s'appelle. J'en connais des bouts, je vais vous la chanter. Alors, c'est I have but one heart, this heart I gave you. Là, je sais pas chanter, je vais rapper. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Je rame comme tout à l'heure, ça marche. Alors, attends, je vais essayer de me rappeler un texte. J'aimerais écrire un truc classe, non salace, parce que c'est salade, salace. J'ai oublié. J'ai le trac. Quelqu'un, sauvez-moi. Sophie, parle. Ok. Ok, moi je prépare une mixtape. Je prépare une mixtape en ce moment. Il y aura 19 tracks. Avec en bonus. Avec en bonus, peut-être 4 ou 5 sons. Ça fera jusqu'à 24 tracks. De combien de temps les tracks? Ah, ça peut. Moi, c'est comme je veux. Moi, ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes 50. Cool. C'est possible d'avoir un son cool, là? Parce que là, je suis pas chaud pour rapper en public. T'as de beaux yeux, Alain. Merci beaucoup, Sophie. Ils sont bleu-vert, ils sont comment? Ouais, je crois, un truc comme ça, bleu-vert. Ouais. Super beau, tes yeux. Merci beaucoup. Toi aussi, t'es très belle. Merci. De rien. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, tu vas rentrer voir ton musulman. Foiré. C'est pas bien. Connu pendant le confinement, hein, donc il y avait personne dehors, il y avait que... T'as eu la chance. L'épicier était fermé, on vendait pas de clopes, il était en voiture, donc fallait aller jusqu'à l'épicier du pont de Bondy en face et de Decathlon. Il était emmené en voiture. Bah ouais, il y avait que lui dehors. Oh le beau gosse. Moi j'ai pas de voiture. J'ai fait ça, j'ai fait... Moi j'ai pas de voiture, donc j'ai pas de main. Je vais par là, il y a des cigarettes, je suis allé avec lui. Martel. Et voilà. Martel. Bon, il est 18h, Radio Métanoïa. T'as arrêté de fumer depuis? La semaine prochaine. D'accord. Ok. Oh docteur, c'était super.